Le procès Pétain. Extrait choisi par Dominique Missica. Deuxième émission. Lundi 23 juillet, 15h35, première audience. Face aux protestations d'incompétence et d'irrégularité de la part des avocats, face aux manifestations bruyantes dans la salle, face aux jurés en colère, face à sa propre mise en cause, le président Mongibaud a ordonné l'évacuation de la salle et suspendu l'audience. À la reprise, à 15h35, le calme est revenu. L'audience est reprise. Nous allons procéder tout de suite à la continuation des débats et entendre le premier témoin que va nous indiquer Monsieur le procureur général. Monsieur Paul Reynaud. Premier témoin de l'accusation et dernier président du Conseil de la République, Paul Reynaud fait son entrée. Paul Reynaud, 66 ans, avocat à la Cour d'appel de Paris, 5 place du Palais Bourbon. J'espère, messieurs, que la Haute Cour me fera l'honneur de penser que les griefs que le maréchal Pétain a donnés contre moi n'influeront en rien sur la déposition que je vais faire. Au temps où il était au fait du pouvoir, je le méprisais. Et au fond de mes prisons, je le lui faisais savoir. Aujourd'hui, je le plains. Il est vrai qu'il m'a emprisonné pendant des années, par lettre de cachet, sous le régime du bon plaisir, faute d'avoir pu trouver en France, je le dis à l'honneur de la magistrature, un seul juge, civil ou militaire, qui consentit à apposer sa signature sur un mandat d'arrêt délivré contre moi. Il est vrai que sa presse, sa radio et jusqu'à son cinéma pendant des années m'ont attaqué, m'ont calomnié, alors qu'il m'avait mis dans l'impossibilité de dire un mot pour ma défense. Il est vrai que, faute d'avoir trouvé des juges pour me condamner, il a prononcé lui-même ma condamnation. Il m'a condamné pour un crime inconnu, sans que j'aie été inculpé, sans que j'aie été entendu, et sans me faire l'honneur de me dire pourquoi. Il est vrai que, fait sans précédent dans notre histoire, il m'a livré à l'ennemi, et que c'est par miracle que je suis ici. Mon camarade Georges Mandel, lui, est absent. Mais messieurs, ce n'est pas d'hommes qu'il s'agit dans ce procès. Ce n'est ni de leur souffrance, ni de leur mort qu'il s'agit. Il s'agit d'opérer la réconciliation française qui est à faire, vous le sentez. Et pour cela, il faut que la vérité fût connue. Et ma seule ambition, venant déposer ici comme témoin, et remplissant mon devoir de témoin, en éclairant la justice, c'est d'éclairer en même temps beaucoup de Français qui ont été égarés par le maréchal Pétain. Car nous avons assisté à ce drame affreux de voir l'élite française scinder en face de l'ennemi, parce qu'un homme a trompé une partie de cette élite. Ah, certes, les plus purs, les plus nobles et les plus forts sont allés à la résistance. Mais il y a eu aussi des hommes qui étaient purs, qui étaient nobles et qui étaient forts, qui ont été détournés de leur devoir national par une autorité qui paraissait alors comme dominant toutes les autres, celle du maréchal Pétain. Car s'il y a dans ce procès, messieurs, un accusé, il y a aussi une victime. Et la victime, c'est la France. C'est à elle qu'il faut songer. On parle de reconstruire la France. On ne reconstruira pas la France tant que les Français ne se seront pas mis d'accord et ne seront pas redevenus unanimes sur les questions d'honneur. Ce qui est au fond de ce procès, c'est l'honneur de la France. Paul Reynaud fait le récit des derniers jours de son gouvernement à Bordeaux. L'armée ankylosée par 8 mois de drôle de guerre, l'inanité de la ligne Maginot. Il détaille les conditions dans lesquelles fut constitué le gouvernement Pétain et il affirme que l'homme de Verdun portait en lui l'homme de l'armistice. Monsieur le Président, messieurs, je pense que jamais un peuple ne s'est autant trompé sur un homme. Et jamais aucun homme n'a fait autant de mal à un peuple que le maréchal Pétain au peuple français. Je le rappelle, le premier soin du maréchal a été de renverser la République, puis d'aller à Montoire, mettre sa main dans celle de l'homme qui venait de nous arracher toute saignante, l'Alsace et la Lorraine. Si le 13 décembre, le maréchal renvoie M. Laval, Si au régime Laval succède le régime Darlan, il faut bien dire que le régime Darlan a été plus abject encore que le régime Laval. C'est avec Darlan que se produisent les entrevues de Berchtesgaden. Il est approuvé par le maréchal. C'est sous Darlan qu'a lieu l'atroce opération de Syrie. Je reste convaincu que ces hommes aux manches étoilées n'ont pas vraiment de sensibilité française. On parle de double jeu, mais qu'importe le double jeu si l'un d'eux est infâme. Puis après Darlan, c'est à nouveau Laval, et vraiment la collaboration main dans la main. Écoutez les discours du maréchal, lisez ses messages. Jamais en somme un peuple ne s'est autant trompé sur un homme. Jamais un homme n'a fait autant de mal à un peuple que le maréchal. Le spectacle que le maréchal nous a donné quand il était au pouvoir fut celui d'un homme qui, ayant une première fois manqué à l'honneur, ne peut plus jamais se redresser, à qui l'on peut tout imposer, et que nous avons vu descendant courbé, marche à marche, aux applaudissements insultants de la presse allemande, l'escalier du déshonneur. Je vous remercie. Monsieur le procureur, avez-vous une question à poser ? Non, aucune. Monsieur le bâtonnier. Messieurs, ce n'est pas une déposition que vous venez d'entendre. Ce n'est pas non plus une réponse à des questions posées. C'est au choix un plaidoyer pour Paul Reynaud ou un réquisitoire contre le maréchal. Réquisitoire à coup d'abominables et calomnieuses accusations. De sorte que se pose pour moi tout de suite un cas de conscience et que vous allez comprendre. Faut-il répondre tout de suite ? Messieurs, il me faudrait une audience ou deux, et ce ne serait rien si, en regardant la liste des témoins à charge, je ne m'apercevais tout de suite que ce sont tous des hommes politiques qui, comme M. Paul Reynaud, voudront se refaire une virginité. Il faudrait donc recommencer après chaque témoin. Et puis, il y aura M. le procureur général qui reprendra et résumera le tout, et auquel il me faudrait encore répondre. Nous en aurions alors jusqu'au 15 août et peut-être jusqu'à la Saint-Sylvestre. Par conséquent, je n'entreprendrai pas une réponse complète. Je ne poserai pas non plus de questions, sauf quelques exceptions que vous allez entendre. Questions qui feraient rebondir un débat prématuré. Je répondrai à tout le monde en même temps. Et je vous supplie d'en retenir l'assurance quand mon tour sera venu de plaider. Et M. Paul Reynaud, en particulier, je vous l'assure, ne perdra rien pour avoir attendu. Je répondrai donc sur tous les points, me limitant à quelques questions précises. Je désirerais savoir si on fait ici le procès de Paul Reynaud ou le procès de Pétain. Si nous continuons ainsi, cela pourra durer 2 mois. Mardi 24 juillet 1945. Deuxième audience du procès Pétain. L'air est irrespirable dans la salle pleine à craquer. Les débats se poursuivent par la déposition d'Édouard Daladier, chef du gouvernement en 1938. Il avait conclu avec Hitler les accords de Munich. Après la déclaration de guerre en 1939, il avait cédé le pouvoir à Paul Reynaud, dont il devient en mars 1940 le ministre des Affaires étrangères. Édouard Daladier, agrégé de l'université, 61 ans, domicilié à Paris. Messieurs, c'est sans aucun ressentiment, mais plutôt avec quelque tristesse que je vous parlerai. Devant le peuple français et devant l'histoire, le devoir est de servir la vérité. C'est cette vérité que je veux dire, en me bornant d'ailleurs à citer les faits dont je fus le témoin direct, ou ceux qui me furent confiés par des hommes honorables, dont je dirai les noms, dans les différentes prisons où j'ai vécu depuis plus de 4 ans. Avant d'être livré à l'Allemagne. Longue déposition de Daladier. Il rappelle qu'il a à peine réduit les crédits militaires, et en particulier les crédits de fabrication de matériel. Il est 18h30. Ici, je touche à des problèmes plus graves que ceux que j'ai abordés jusqu'ici. Je vous demande, Monsieur le Président, de bien vouloir renvoyer à demain ces explications complémentaires. Entendu. L'audience est renvoyée à demain, 13h. Mercredi 25 juillet, 13h20, troisième audience. Édouard Daladier reprend sa déposition. On croit un instant que Pétain va sortir de son mutisme. Monsieur le Président, si vous voulez reprendre la suite de votre exposé. Ah, messieurs, lorsqu'on a fait à Rion le procès du Front populaire et du régime républicain, j'ai le droit de dire que l'un et l'autre ont fait aux heures qu'ils traversaient tout l'effort que le gouvernement et le grand état-major leur avaient demandé. Non, nous n'avons pas livré à l'Allemagne une France désarmée. Si les combattants de 39-40 n'ont vu que très peu, ou pas de chars, ou pas d'avions pour les défendre ou les soutenir, c'est parce que le commandement militaire n'a pas voulu qu'il en soit autrement. Puis, Édouard Daladier aborde l'attitude du maréchal à la fin de l'année 1942. À ce moment-là, j'ai désiré de toute ma foi que le maréchal se mit à la tête de la résistance. Quelle page magnifique il eut écrite dans sa longue vie! Quelle page splendide de l'histoire de la France qu'un homme qui avait peut-être eu tort de faire l'armistice, qui avait cédé aux vainqueurs, mais qui se serait soudain redressé. Je l'ai cru. Je l'ai cru. Je l'ai espéré. Je l'ai souhaité de tout mon cœur. Hélas, il n'en fut rien. Et lors du débarquement des Alliés en Afrique du Nord, on a trouvé seulement sa passivité. Je n'ai entendu que les cris de l'armée d'armistice chassés par les Allemands de leurs casernes dans des conditions ignobles. Je n'ai entendu que les consignes adressées au peuple français de tolérer la violation des clauses même de l'armistice. Je n'ai entendu que la lourde botte des soldats allemands s'introduisant dans la maison d'arrêt de Bourassol où j'étais enfermé. Mais rien, pas un geste, rien. Que les hommes et que l'histoire jugent. Au lieu d'un maréchal de France, les Allemands n'ont rencontré qu'un commis. Le bâtonnier païen intervient. Le maréchal a-t-il, selon vous, trahi son pays? En toute conscience, je vous répondrai, selon moi, que le maréchal a trahi les devoirs de sa charge. Il a trahi son devoir de Français. Et au moment de terminer, je ne puis m'empêcher de saluer la jeunesse héroïque qui s'est levée presque sans armes pour sauver l'honneur de la France. Cette magnifique jeunesse, alors qu'un maréchal de France se vautrait dans les compromissions. Vous avez terminé votre déposition, monsieur le Président? Oui. La Cour vous remercie. Messieurs, avez-vous des questions à poser? Monsieur le Procureur général. Ok. Je ne ferai que remercier Monsieur le Président Daladier de l'hommage qu'il a rendu à la magistrature, qui a bien mérité de la patrie lorsqu'elle siégeait à Rion. Monsieur le bâtonnier, vous avez la parole. Messieurs, nous venons d'entendre une très émouvante déposition. Le moment venu, nous la discuterons. Monsieur Daladier a beaucoup parlé de Vichy, mais je voudrais qu'il eût surtout parlé du maréchal Pétain, car tout le monde sait qu'il y avait un certain nombre d'hommes autour de lui, et en particulier un homme qui a réussi ce miracle de faire, pour ainsi dire, oublier son existence, alors qu'on a cependant beaucoup parlé de lui. Est-ce que Monsieur Daladier considère qu'il a pu exercer sur le maréchal une influence par ses manœuvres, par son attitude, par ses combinaisons? Messieurs, j'estime que c'est le chef qui est responsable. Je rappelle que Pétain a déclaré qu'il marchait main dans la main avec Pierre Laval. Oh, inadmissible, Président. C'est indigne de votre part. Monsieur Mabru, juré parlementaire, voudrait interroger Pétain sur le télégramme adressé à Hitler après le débarquement de Dieppe le 19 août 1942, dans lequel il lui demandait des armes pour combattre l'Angleterre. Le maréchal reste muet. Monsieur Pernet, un autre juré, prend la parole. Le maréchal veut-il répondre quand son honneur est en jeu et fournir les explications nécessaires pour que la vérité surgisse? maréchal. Ils veulent que vous leur parliez de vos télégrammes à Hitler. Prenez le marquement de pied. Comment donner des explications? Je n'entends pas parce que je suis très dur d'oreille. Je n'ai rien entendu. Je ne sais même pas de quoi il s'agit. Voilà où nous en sommes. Puisque le maréchal a entendu ma question, je vais lui lire le télégramme. Si vous voulez bien me le faire passer. Je dois vous dire que je n'y répondrai pas. C'est tout. Ainsi donc, écoute, ce qui me concerne. J'ai dit, je ne répondrai pas aux questions posées. La cour appréciera. Monsieur le procureur général, quel témoin voulez-vous faire appeler? Monsieur le président Albert Lebrun. Monsieur l'huissier, veuillez aller dans la chambre des témoins chercher monsieur le président Albert Lebrun et conduisez-le avec le cérémonial d'usage. Albert Lebrun s'avance jusqu'à la barre des témoins. Il refuse le fauteuil qui lui est offert. Veuillez nous faire connaître vos noms, prénoms, votre âge, vos qualités et votre domicile. Lebrun, Albert François, 73 ans, ancien président de la République, Paris. Après avoir prêté serment, le dernier président de la République, dont l'émotion est visible, fait l'historique des événements qui ont précédé et suivi l'armistice. Le 7 juillet, une délégation de parlementaires lui demande sa démission. Il refuse. Le 9, c'est la révision de la Constitution. Le 10, la réunion de l'Assemblée nationale et le discours de Laval. Le 11, Pétain le presse d'abandonner le pouvoir. Il cède. Mon effacement a été la conséquence du vote de l'Assemblée nationale. Je n'ai pas reçu une seule lettre de mes anciens collègues pour me demander de rester. Vichy a fait disparaître le nom et la chose de la République. Mais j'estime que le maréchal n'est pas le seul responsable. Son gouvernement est aussi coupable que lui. Jouer la carte allemande, c'était une faute manifeste dès ces temps-là. Autre grave erreur, le maréchal a cru que le prestige de ses étoiles lui servirait à défendre son pays. Être monté si haut, être tombé si bas. Quelles erreurs ont faussé son jugement? Quelles mauvaises passions ont troublé son âme de soldat? Je vous le dis tout net. Ce sont des questions auxquelles je n'ai pas pu répondre pour ma gouverne personnelle. J'ai terminé, monsieur le président. Je crois me faire l'interprète de la cour et même de la défense en vous remerciant pour la déposition si noble, si mesurée, si objective, si humaine que vous venez de prononcer. Messieurs, vous avez des questions? Un juré, M. Pierre Bloch, prend la parole. J'estime qu'il est important de demander à l'accusé depuis combien de temps il avait apporté au président Lebrun la liste de son ministère dans laquelle était Laval. Accusé, levez-vous. Pétain ne se lève pas. Garde, veuillez faire lever l'accusé. Le garde s'approche du maréchal sans le toucher. Je sais, mieux que personne, qu'il est sourd. Vous avez tort d'être convaincu. Je veux bien encore lui poser de nouveau la question. Répétez-la lui. Depuis combien de temps? Je ne peux pas répondre, puisque je n'ai pas entendu. Quelle était la question? On vous demande... À quelle date vous aviez préparé la liste des ministres que vous avez ensuite remise à Monsieur le Président Lebrun? Vous vous rappelez de cela? D'abord, j'ai pu réfléchir à quelques noms mais la liste que j'ai proposée n'a pas été celle... C'est-à-dire que la liste que j'avais dans ma poche n'était pas celle qui a été réalisée. J'ai répondu. Je pense que ce n'est pas la réponse à la question que j'ai posée. Je n'ai pas pu obtenir davantage. L'audience est renvoyée au lendemain. Le bâtonnier païen remercie Albert Lebrun. Pendant ce temps, le maréchal Pétain prend son képi et ses gants. Puis, il quitte la salle. C'était le procès Pétain. Extrait choisi par Dominique Messica. Deuxième émission. Le président Mongibaud, Gabriel Ledoz. Le procureur général Mornay, Jean Bollery. Pétain, Roger Dumas. Le bâtonnier païen, Philippe Lodenbach. Paul Reynaud, Bernard Alouf. Édouard Daladier, François Siener. Albert Lebrun, André Oumanski. Juré Jean-Pierre Bloch, Thibault de Montalembert. Juré Pernet, Alain Fromager. Un juré, François Soul. Narration, Hélène Losseur. Bruitage, Sophie Bissens. Assistance technique et montage, Clotilde Thomas. Prise de son et mixage, Olivier Dupré. Assistant à la réalisation, Benjamin Hu. Réalisation, Étienne Vallès.